Ouais, Puis ça comme I Love Women Get Up, pis ça. Plus d'amour? Ouais, non, non, non, ouais, écoutez là. Man, demande ça à lui là, non, mais vous mettez le poule là, fou, oui. T'allais voir ton plan, je mettais des lois, tu sais, oui. Mais t'allais là dans le fils! Thank you. Thank you.